sur France Culture. Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, notre Église célèbre aujourd'hui une très grande fête, celle de la Pentecôte, que l'on peut vraiment considérer comme l'anniversaire de l'Église. La Pentecôte est en effet la fête du Saint-Esprit, le Paraclet, que le Seigneur promit à ses disciples d'envoyer après sa résurrection et son ascension au ciel. Pour commencer cette émission, je vous invite à écouter le Trois-Pères de la fête, dont voici le texte. « Béni es-tu, ô Christ notre Dieu, toi qui as choisi les pécheurs pleins de sagesse et leur envoya d'en haut le Saint-Esprit, et qui, par eux, a pris au filet le monde entier, ami des hommes, gloire à toi. » Guidée par l'Esprit, la vie de l'Église connaît dans l'histoire certains moments particulièrement solennels où la présence et la protection de l'Esprit se manifestent par excellence. Je veux parler de ces synaxes que l'on appelle des conciles et qui constituent des moments phares dans l'histoire de l'Église. Et c'est bien d'un concile tenu au XXe siècle par l'Église orthodoxe de Russie que nous parlerons aujourd'hui à l'occasion d'un livre paru récemment sous le titre « Le concile de Moscou 1917-1918 ». La création des institutions conciliaires de l'Église orthodoxe russe, ouvrage écrit par le père Hyacinthe d'Estivelle et édité aux éditions du CERF. Père Hyacinthe, vous êtes prêtre dominicain, directeur du centre Istina, et vous présentez dans ce livre l'histoire de la préparation et du déroulement d'un concile tenu à un moment critique non seulement de l'Église de Russie, mais tout simplement de la Russie. Effectivement, c'est une page vraiment... glorieuse de l'histoire de l'Église russe qui correspond à une apogée, on peut dire, de la théologie russe, mais aussi de la vie tout simplement chrétienne en Russie. Et ce concile, à la veille de la Révolution, manifeste vraiment les multiples charismes qui ont été donnés par le Seigneur à cette Église. Et c'est pour cela que je trouve qu'il a toute sa place en ce jour de Pentecôte. Et nous faisons bien de parler de la conciliarité comme manifestation des charismes dans l'Église. Avant peut-être d'avancer dans la présentation du livre et de votre travail, je voudrais vous poser une question. Vous êtes jeune prêtre français, vous êtes catholique, donc prêtre dominicain. Vous dirigez le centre Istina qui est spécialisé dans les études slaves. Pourquoi tout ceci? Pourquoi cet intérêt pour le monde slave et le monde orthodoxe en particulier? Alors effectivement, le centre Istina a été fondé il y a 80 ans par les dominicains pour travailler au dialogue entre orthodoxes et catholiques, en particulier entre l'orthodoxie slave et les catholiques français. Je dirais d'abord que c'est une tradition dominicaine, le dialogue avec les autres confessions. Je pourrais citer plusieurs noms au XXe siècle de la théologie catholique, comme le père Congar, le père Dumont, qui ont vraiment beaucoup travaillé à une meilleure connaissance mutuelle des catholiques et des orthodoxes. Et alors moi, personnellement, j'essaye d'hériter de cet intérêt des dominicains, et en particulier des dominicains français, pour le monde orthodoxe, qui a bénéficié, donc l'ordre dominicain en France, de la présence de l'émigration orthodoxe. Et... donc ce centre Istina, depuis maintenant plusieurs décennies, travaille à ce rapprochement, à la fois par une revue qui s'appelle Istina, et puis aussi par une bibliothèque, et puis par un accueil aussi de jeunes étudiants orthodoxes qui font des études à Paris. Très bien, si vous voulez, on revient à notre concile, là, votre livre, le concile de Moscou, donc 1917-18. Deux mots peut-être sur le contexte historique en général et puis le contexte historique propre à l'Église. Alors, c'est un contexte paradoxal. On imagine l'Église pré-révolutionnaire russe comme une Église moribonde. Je crois que l'historiographie soviétique a beaucoup contribué à cette image d'Épinal qu'on a souvent de l'Église russe d'avant la Révolution, qu'on assimile à Raspoutine, par exemple. Un peu comme les révolutionnaires français ont cherché à noircir le tableau de l'Église française d'avant la Révolution. C'est en réalité une Église qui se trouve dans une situation paradoxale, l'Église russe, en ce début du XXe siècle. À la fois une Église paralysée, pour reprendre la parole célèbre de Dostoïevski, dans la mesure où cette Église a été nationalisée, à partir de l'époque de Pierre le Grand, qui a supprimé le patriarcat, qui a nommé un haut procureur à la tête du Saint-Synode. Et donc l'Église russe est effectivement paralysée, elle est étroitement surveillée par l'État. Et d'un autre côté, c'est une Église qui est en plein renouveau. Un renouveau spirituel avec la fondation de nombreux monastères au XIXe siècle, comme le célèbre monastère d'Optinopoustine. Renouveau missionnaire avec un mouvement de traduction de la liturgie, des évangiles dans des dizaines de langues asiatiques. Un renouveau pastoral avec des figures comme le père Jean de Kronstadt qui vit à cette époque et qui peut être comparé au curé d'Ars à certains égards, qui promeut en particulier la communion fréquente, la participation des laïcs à la liturgie. Un renouveau théologique également, non seulement autour des académies de théologie, avec des grands noms comme Bolotov par exemple, ou Troitsky, des gens qui ont vraiment contribué au renom de la théologie russe au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, mais également dans les monastères, avec tout un courant de renouveau spirituel autour de ce qu'on appelle la philokalie. La philokalie, donc c'est une anthologie de textes spirituels qui a été compilée au fil des siècles et qui a été traduite par un moine qui a été canonisé, Saint Païssy. Et à la suite de cette traduction, à la fin du 18e, début 19e, on a assisté à un renouveau de la vie spirituelle en Russie, de la vie monastique, de la direction spirituelle, ou plutôt de la paternité spirituelle, comme on dit en russe. Et donc c'est une église qui est vraiment en plein renouveau, on peut dire, en ce début de 20e siècle. À l'image d'ailleurs de la société russe. Le monde culturel, politique, économique russe du début du XXe siècle est en fait un monde extrêmement dynamique et malheureusement la révolution va mettre un coup d'arrêt à tout cela. La révolution, mais c'est le moment du concile. Alors on va prendre un tout peu, si vous voulez, la préparation du concile parce qu'elle est longue. Vous décrivez ça très bien dans votre livre. Effectivement, le concile a été préparé pendant 11 années. Les premières pétitions en faveur de la convocation d'un concile ont été présentées au métropolite Antoine de Saint-Pétersbourg en 1905, dans le cadre de ces mouvements pré-révolutionnaires. Et donc un certain nombre de voix dans l'Église se sont élevées pour que l'Église orthodoxe russe sorte du carcan dans lequel l'avait enserré l'administration impériale. L'Église était vraiment corsetée par tout un tissu de dispositions juridiques. Et donc, entre 1905 et 1917, un certain nombre de commissions vont se réunir. En réalité, le concile ne pourra pas être convoqué immédiatement à cause des difficultés politiques de la Russie, à cause aussi de la prudence de l'empereur Nicolas II, qui est, il faut aussi le reconnaître, sous l'influence lui-même de milieux parallèle à l'Église, qui n'était pas forcément favorable à la convocation d'un concile, et notamment Grégoire Raspoutine, qui joue dans cette affaire un rôle assez négatif. À cause de tout cela, la préparation du concile a été freinée. D'un autre côté, ça a été tout à fait positif, cette lenteur, car cela a permis une réflexion vraiment en profondeur. Il y a de nombreuses commissions de travailler. On peut dire que aucun concile n'a été aussi bien préparé que le concile de 1917-18. Le concile de Vatican II, par exemple, a été préparé et a été convoqué en quelques mois. Et bien sûr qu'il y avait différents courants de réflexion théologique, différents mouvements préconciliaires, mais il n'y avait pas une réflexion proprement dite sur la façon d'organiser le concile, sur les processus de prise de décision, etc., alors que le concile de 1917-18 a bénéficié d'une très longue préparation. Oui, alors longue préparation, et puis qui participe finalement à ce concile? Il y a une particularité, comme ça à l'entendre au moins, il y a beaucoup de laïcs, je crois. Alors, il n'y a pas fait, que les évêques. Tout à fait, c'est une des particularités de la conciliarité dans le monde orthodoxe, c'est qu'on distingue les conciles locaux des conciles épiscopaux, des conciles écuméniques. Les conciles écuméniques, ce sont des conciles universels qui rassemblent l'ensemble des membres du corps du Christ. Alors les conciles écuméniques, eh bien, du point de vue orthodoxe, il n'y en a pas eu depuis le dernier concile écuménique, celui de Nicée II en 787. Du côté catholique, on sait que on estime qu'il y a eu quand même d'autres conciles universels, des conciles qu'il faudrait peut-être mieux appeler généraux, comme maintenant on appelle moins écuméniques. Et donc on distingue en tout cas dans l'ecclésiologie orthodoxe des conciles écuméniques, des conciles purement épiscopaux qui ne rassemblent que des évêques, des conciles locaux qui rassemblent en plus des évêques, des prêtres et des laïcs. Dans la tradition russe, le concile local est convoqué notamment pour élire le patriarche. Jusqu'à maintenant, tous les patriarches ont été élus par ce genre de concile. En général, chaque diocèse est représenté par son évêque, bien sûr, un prêtre ou un diacre et un laïc pour manifester la plénitude du corps du Christ. Et donc la nouveauté de ce concile de 1917-18, si vous voulez, c'est d'abord et avant tout d'avoir ressuscité cette tradition conciliaire. Avant même d'avoir rétabli le patriarcat, parce qu'on va voir que c'est une des principales décisions de ce concile, c'est vraiment le rétablissement du fait conciliaire qui me paraît être vraiment le fait le plus important et la nouveauté par rapport à toute la période qu'on appelle synodale qu'avait enduré l'Église russe à partir de Pierre le Grand. Une brève question encore concernant le mode de fonctionnement et de vote. Il y a des évêques, donc, il y a d'autres membres du clergé, et il y a des laïcs. Est-ce qu'on met tout le monde sur le même plan? Est-ce qu'on fait une différence en fonction des charismes? Parce qu'il y a aussi les charismes dans l'Église. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est effectivement une question très importante qui a agité toute la période préconciliaire. Qui allait faire partie du concile? Bon, on s'est mis d'accord pour qu'il y ait également, en plus, des évêques, des prêtres et des laïcs. Mais après, la grande question, c'était de savoir, est-ce qu'on allait accorder une voix délibérative, c'est-à-dire le droit de vote, à ces laïcs et à ces prêtres? Ou simplement une voix consultative? Alors, il y avait plusieurs interprétations qu'on peut considérer comme plusieurs interprétation de la sobornost. La sobornost, c'est un mot russe qui veut dire la conciliarité. Il y avait une première conception de la sobornost qui était purement démocratique, qui consistait à dire, eh bien, il faut accorder le droit de vote à tout le monde. Cela aussi, il faut le reconnaître, sous l'influence des mouvements révolutionnaires. Il y avait une deuxième acception de la sobornost qui consistait à dire que la conciliarité, c'était simplement le fait de rassembler les évêques qui seuls ont le droit de vote, et que ces évêques donc ont seul le droit de parler au nom de l'Église. Et puis il y avait une troisième voie, une voie qu'on peut appeler médiane, ou qu'on peut appeler aussi charismatique, parce qu'elle cherche à articuler les charismes des divers membres du corps du Christ. Et cette interprétation qu'on peut appeler charismatique de la sobornost a proposé que d'un côté on donne l'ensemble des membres du concile, c'est-à-dire prêtres, laïcs et évêques, le droit de vote, donc voix délibérative, mais que dans un deuxième temps, les évêques puissent avoir un droit de veto, si vous voulez, sur les décisions qui avaient été prises par l'Assemblée Générale du Concile. Cette solution juridique très astucieuse avait été proposée par l'archevêque Serge de Finlande dès la période préconciliaire, et cet archevêque Serge est devenu après le patriarche Serge en 1944. Et c'est une solution qui me semble remarquable d'un point de vue conciliaire précisément, car à la fois elle permet à l'ensemble des membres du corps du Christ de s'exprimer, mais d'un autre côté, elle laisse le dernier mot aux évêques comme dépositaires du charisme épiscopal. Alors, les décisions du concile. Alors les décisions du concile, elles sont extrêmement nombreuses, mais en même temps, comme le concile n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses travaux, il n'a pas pu prendre autant de décisions qu'il l'aurait voulu. Il y avait 22 commissions, plus une 23e commission qui a été constituée dans le cours du concile pour l'unité des églises. Donc on peut dire que c'est une première commission pré-écuménique, si je peux m'exprimer ainsi. Les commissions portaient sur des domaines très variés et couvraient l'ensemble de la vie de l'Église. Il y avait d'abord, bien sûr, une commission sur le rétablissement du patriarcat, une commission sur le gouvernement suprême de l'Église, une commission sur la vie monastique, une autre sur la paroisse, sur la place des femmes dans l'Église, sur les laïcs, enfin toutes sortes de domaines ont été abordés par ce concile. Et cela me semble tout à fait remarquable. Alors, la principale décision, c'est le rétablissement du patriarcat. Car effectivement, Pierre le Grand avait supprimé l'institution patriarcale en 1721 par le règlement ecclésiastique. Donc c'est la première décision, si vous voulez, qui est appliquée jusqu'à nos jours. La deuxième décision, c'est le rétablissement des conciles comme mode normal de fonctionnement de l'Église. Alors, soit concile local avec des laïcs et des prêtres, soit concile purement épiscopal, convoqué à des périodes régulières. Et enfin, troisième décision qui a été appliquée et qui a aussi permis une certaine survie de l'Église orthodoxe russe pendant l'époque soviétique, c'est le renouveau de la paroisse et notamment le fait d'accorder la personnalité juridique à la fois d'un point de vue canonique et puis d'un point de vue aussi législatif, mais ça c'était pas le problème de l'Église, mais en tout cas d'un point de vue canonique à la paroisse en faisant du curé de paroisse le véritable pasteur de ses ouailles, alors que jusqu'auparavant, il y avait un système bureaucratique très complexe avec des consistoires qui, en fait, étaient l'œil du haut procureur. Donc, c'était tout un système administratif et laïque aussi, d'un certain côté, qui avait été justifié d'abord par Pierre le Grand, puis ensuite par tous les hauts procureurs, notamment par Pavel de Notsev, qui était le dernier grand haut procureur qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Église russe. Et ces gens-là justifiaient la présence de cette bureaucratie comme la participation des laïcs à l'Église. Mais en réalité, c'était simplement des rouages de l'administration impériale. Et donc, la troisième grande décision de ce concile, c'était de redonner au curé une autorité sur la vie paroissiale. Ces trois décisions ont joué un rôle très important et on peut considérer qu'elles ont permis à l'Église russe une certaine survie à l'époque soviétique. Alors justement, comme le concile... D'ailleurs, je ne sais pas si on peut considérer qu'il est vraiment achevé. Est-ce qu'il s'achève normalement ou, vu les événements, il y a une interruption un tout petit peu brutale? Et puis, est-ce qu'il y a une réception du fait, justement, des événements politiques? Alors, effectivement, pour qu'un concile soit appliqué, il faut d'abord qu'il soit reçu en bonne ecclésiologie orthodoxe. Et pour qu'il soit reçu, il faut qu'il soit connu. Or, ce concile, jusqu'à présent, était peu connu. Il n'y a qu'une dizaine d'années qu'on peut travailler sur les archives, qu'on peut connaître les textes, et pas seulement les décisions, je dirais, mais les actes. Car finalement, l'aspect le plus intéressant de ce concile, c'est pas les décrets qu'il a publiés, mais ce sont les débats qui sont vraiment d'une très haute tenue théologique et spirituelle et qui sont vraiment d'une lecture très enrichissante pour un ecclésiologue et un théologien. Souvent, on est un peu, quand on lit les décrets de ce concile, un petit peu surpris par leur aspect juridique. Et je dirais que c'est pas forcément l'aspect le plus intéressant du concile, ces décrets. Le plus intéressant du concile, c'est la face immergée de l'iceberg, qui est non seulement tout le travail préconciliaire, mais aussi les actes, les débats qui se sont passés non seulement dans les commissions, mais aussi dans l'assemblée plénière du concile. Alors, effectivement, on peut regretter que ce concile n'ait pas été jusqu'au bout de ses décisions, mais en même temps, le plus intéressant du concile a eu lieu, c'est-à-dire les débats dans les commissions. Et donc le concile n'a pas pu se terminer dans les conditions normales, mais on peut penser qu'il restera comme la référence obligée pour l'Église russe si elle veut engager une réflexion sur des réformes éventuelles dans les années à venir. Et comment agit le pouvoir, le nouveau pouvoir justement qui s'installe à cette époque-là et qui n'est pas vraiment ami de l'Église ? Vis-à-vis de cette nouveauté et peut-être de ce côté que vous avez qualifié d'un peu plus ecclésiastique, puisque vous avez dit que l'ancien système était plus administratif. Alors, le pouvoir bolchevique va très rapidement mettre un terme non seulement au concile, mais va décimer l'Église russe, comme il est bien connu, et d'une façon plus pernicieuse encore, va susciter au sein même de l'Église orthodoxe russe un courant dissident qu'on appelle les rénovés, et qui va finalement utiliser un certain nombre de décisions du concile, enfin de décisions ou de propositions qui avaient été avancées pendant le concile. Par exemple, le rétablissement des diaconesses. De l'ordre des diaconesses, cela avait été proposé pendant le concile, mais il n'avait pas été adopté. Et donc cette église des rénovés, encouragée par les bolcheviks, va adopter et appliquer un certain nombre de décisions du concile, donc comme le rétablissement des diaconesses, la célébration en langue vernaculaire, c'est-à-dire en russe et en ukrainien, la possibilité pour des prêtres de se remarier si éventuellement ils perdent leur épouse. Donc tout un tas de décisions qui n'avaient pas été vraiment prises par le concile de 1917, mais qui avaient été évoquées, et cela va finalement contribuer à discréditer tout mouvement de réforme dans l'Église orthodoxe russe, car ces dissidents étaient promus par les bolcheviks, et jusqu'à maintenant, finalement, les réformes qui ont été appliquées par ces rénovés schismatiques ont été assimilées justement au schisme et ont été discréditées. Donc c'est un grand tort que les bolcheviks ont fait à cet égard, et je crois qu'encore maintenant on vit un peu de cette blessure. Enfin, il y aura pas, à mon avis, dans les années à venir, de réforme profonde de l'Église orthodoxe russe tant qu'il n'y aura pas une relecture paisible sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Père Hyacinthe, vous avez vous-même travaillé sous le concile, sous les archives. Et donc, je pense que ce travail qui est excellemment bien fait est arrivé quand même un peu tard dans l'histoire, il faut dire. Alors, pourquoi ce silence de 80 ans à peu près, jusqu'à ce qu'on ait accès à tout ça? Parce que les archives n'étaient pas accessibles. Et puis, d'autre part, parce qu'en Russie, les travaux historiques ou théologiques sur l'Église étaient très étroitement contrôlés. Donc, on ne connaissait pas ni les textes des décrets, ni les actes des commissions. C'est pour cela que depuis un certain nombre d'années maintenant, on assiste à un renouveau de l'étude de ce concile, mais pendant 80 ans, effectivement, ce concile est resté oublié, sous le boisseau, on peut dire, et ce n'est que maintenant, aussi bien en Russie qu'en Occident, qu'on peut relire et peut-être recevoir ce concile pour éventuellement, je ne dis pas appliquer, parce que toutes ces décisions-là maintenant sont caduques d'une certaine façon, on ne peut pas appliquer les décisions qui ont été adoptées il y a 80 ans, mais en tout cas, on peut s'inspirer de la méthode conciliaire de ce concile. Un théologien allemand a proposé d'appeler ce concile un potentiel de réforme méconnu. Et je crois que c'est plutôt un potentiel de méthode, je dirais, méconnu. C'est avant tout une méthode conciliaire qui, à la fois, n'avait pas peur d'aborder des questions, les questions du temps, de discerner les signes des temps, pour utiliser le langage qu'on a utilisé lors du Concile Vatican II, mais qui n'avait pas peur non plus d'inviter toutes sortes de spécialistes, des laïcs, des hommes de lettres, des musiciens, des iconographes, qui ont été appelés au Concile pour donner leur témoignage et prendre part à la décision d'une façon ou d'une autre. Et tout cela me paraît remarquable. Donc à cet égard, je pense que la méthode conciliaire mise en œuvre par ce Concile de 1917-18 est remarquable et certainement... Dans un avenir proche de l'Église orthodoxe russe, pourra servir de référence. Certainement pas de moule, mais en tout cas de référence, d'inspiration. Alors qu'en est-il de la réception? Est-ce qu'il y en a eu un peu au moins? Alors la réception de ce concile, effectivement, a été très difficile. Les seules applications du concile en URSS, ça a été effectivement le rétablissement du patriarcat à partir de la Deuxième Guerre mondiale, car Staline a redonné une certaine liberté à l'Église orthodoxe russe à partir de ce moment-là. Le rétablissement du fait conciliaire, également à partir de cette époque-là, et puis une certaine vie paroissiale, je dirais. Ce sont les trois décisions qui ont été appliquées en URSS. En Occident, il y a eu également une certaine application de ce concile dans les migrations, notamment dans l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, qu'on connaît comme par son adresse, celui de la rue Daru. On applique un certain nombre de décisions de ce concile et surtout l'élection de l'évêque qui avait été décidé par le concile et qui n'a pas été appliqué, et pour cause, à l'époque soviétique, c'était impossible. Cette décision est donc appliquée dans l'archevêché qu'on appelle de la rue Daru, et donc on peut considérer que l'émigration a hérité d'une certaine façon de ce concile, sans bien sûr pouvoir appliquer l'ensemble des décisions. Mais ce concile a aussi inspiré d'autres églises autonomes, par exemple l'église autonome de Tchéquie et de Slovaquie, où le président de cette église, l'archevêque de Prague, est élu selon un mode qui avait été prévu par le concile de 1917-18, et cela de façon tout à fait consciente. Le concile propose un certain nombre de candidats, et ensuite le président de l'église autonome, le représentant, le chef de l'église autonome de Tchéquie et de Slovaquie, est tiré au sort. Et c'était aussi une décision du concile de Moscou 1917-18 que de tirer au sort le patriarche, selon une disposition apostolique, puisque nous savons que l'apôtre Matthias, qui a remplacé Judas, avait également été tiré au sort. Alors, on voit que ce concile a eu aussi des répercussions, non seulement dans l'église russe qui se trouvait en URSS, dans l'église russe de l'immigration, mais également dans certaines églises autonomes qui ne sont pas de tradition russe. C'est en effet très intéressant, et puis je voudrais signaler qu'il y a d'autres églises anciennes qui ont ce système d'élection clérico-laïque, je dirais, dans un premier temps, et qui finalement, en deuxième instance, c'est le Saint-Synode, c'est-à-dire les évêques eux-mêmes, Alexandrie par exemple, ou l'église de Chypre, qui ont des systèmes qui se veulent très anciens, qui en tout cas sont inspirés par la première église, applique cette façon. Alors, 2 minutes pour parler du Centre Christina que vous dirigez. Alors, ce Centre Christina est un centre qui est consacré au dialogue entre orthodoxes et catholiques. C'est un centre qui a été fondé dans les années 20, à l'époque où la France a bénéficié de l'émigration d'un certain nombre de représentants de l'intelligentsia russe, mais aussi de beaucoup d'autres membres éminents de l'Église russe et de la pensée russe, et qui ont fondé l'Institut Saint-Serge. Et le Centre Christina a été fondé dans ce contexte, et c'est un des premiers centres, on peut dire, pré-écuménique, si vous voulez, de l'Église catholique, qui a notamment organisé les premières rencontres officieuses entre théologiens orthodoxes et théologiens catholiques. Et cela autour d'une revue qui s'appelle la revue Istina, qui au début s'appelait la Russie et chrétienté, et qui a pris le titre d'Istina. Istina, ça veut dire la vérité en russe, et ce nom avait été choisi par solidarité avec les chrétiens de Russie, puisque et nous sommes dans la période pascale, et le cri de ralliement, si l'on veut, de tous les chrétiens russes, c'est la réponse « va istinu vaskris », c'est « en vérité, il est ressuscité ». Et donc « istina », c'est la vérité, c'est pas la pravda qui avait été utilisée pour intituler un autre périodique bien plus connu que la modeste revue du Centre Istina. La pravda, c'est plutôt la justice, c'est la vérité pratique. Mais Istina, c'est la vérité philosophique ou théologique. Et c'est donc en particulier par solidarité avec ces chrétiens de Russie qui ne pouvaient plus affirmer leur foi dans la résurrection du Christ que le Centre Istina a choisi ce nom. Et aujourd'hui, nous essayons de prolonger cette tradition grâce à l'ouverture récente de ces pays. Et comment fait-on pour vous contacter? Alors on peut tout simplement venir au 45 rue de la Glacière, dans le 13e arrondissement, où nous avons un centre avec une bibliothèque, des offices byzantins tous les soirs, des offices de vêpres à 19h. On peut aussi se renseigner sur le site internet que nous avons, istina.fr, qui est tout nouveau. Il y a simplement un rappel de l'historique et puis les principales informations sur les activités du centre. On peut aussi s'abonner à la revue Istina, qui est une revue trimestrielle qui donne des informations sur l'actualité du dialogue catholique-orthodoxe et puis des articles de fond. Merci beaucoup. C'était donc Le Concile de Moscou 1917-18, un livre du père Hyacinthe d'Estivel, paru aux éditions du CERF. Notre prochaine émission, dimanche 25 juin, ce sera sur l'histoire de l'Église orthodoxe en Europe occidentale au XXe siècle, une édition dirigée par Christine Chaillot, avec Christine Chaillot, le père Boris Bobritskoy et Jost van Rossum. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Mathieu Leroy. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com. Vous êtes à l'écoute.